Allez-y, comme vous voulez. La veillée. La veillée, c'est la famille. C'est aussi tous les bons amis. Autour d'un feu qui pétille, on se sent bien tous réunis. C'est souvent la brasucade, ceci en termes cévenols, mais aussi des affachades en patois pour tous les rayols. Du bois vert et que ça fume, sous la poêle au fond percé, c'est cela qui les parfume, nos marrons, frais récoltés. Enfin que les grillés s'apprêtent, faut souvent les faire sauter, éviter qu'elles ne rouspètent et ne sortent de leur gilet. Ainsi, quand elles sont cuites, le paillasson, là, les attend. On les verse vite, vite, et le gros sac les recouvrant. Tour à tour, quelques minutes, l'assistance s'assied dessus. Cette chaleur, fin de pute, ça réchauffe bien le... Souvent, les femmes tricotent et raccordent leur boniment. Les hommes font la belote devant un verre de plein courant. Elles sont maintenant prêtes, les belles pèlerines de chez nous. Nous les mangeons en tête à tête, les pèlerines, que c'est doux. Chacun remplit sa panse et souvent vide son godet. Ce n'est pas partout en France qu'on a de si belles veillées. Mais voyez-vous, c'est la fête. Pendant l'hiver, on est heureux. À griller des castagnettes et rigolons à qui mieux mieux. Voici que vers les 11 heures, chacun fait signe de partir. Mais le saucisson, le beurre, eux font signe de sortir. Un réveillon se prépare dans l'amitié, la bonne humeur. En Cévennes, ce n'est pas rare et l'on oublie tous nos malheurs. Sully de La Fabrègue. Sully de La Fabrègue, c'est votre nom de... C'est oui, c'est... Votre nom de plume, comme on dit. C'est oui, parce que c'est Sully Fiol, mais c'est Sully de La Fabrègue. Sully de La Fabrègue, oui. Ouais, ouais. Mais j'ai eu des histoires avec... parce que je l'envoie souvent à Lozère Nouvelle pour les imprimer. Ouais. Souvent, maintenant, j'en fais plus. Et alors, le gars, je voyais que ça venait pas, il ne l'imprimait pas, tout ça, j'ai téléphoné. Ah oui, il me dit, mais je me suis renseigné, c'est pas votre nom, il me dit. Vous prenez un nom de noble qui fait penser à l'autre, qui me dit. À l'autre? Ouh, alors j'ai pu discuter un peu avec lui, puis j'ai posé le téléphone. Mais je lui ai écrit une lettre. Hein. J'ai dit, chez nous, l'autre, il est à l'écurie. Hein? Parce qu'il voulait dire sur l'hippodrome. Ah oui. Eh oui. Pourquoi vous dites à l'écurie? Et alors j'ai dit, Sully, c'est mon prénom. Ah, oui. J'ai un frère qui s'appelle Scipion, donc les mêmes initiales, Fiol Sully et Fiol Scipion. Ça arrive souvent au même Fiol S, mais lequel? Souvent, moi j'ouvre des lettres, c'est pour mon frère ou lui, inversement. Alors c'est pour ça que je me suis appelé Sully de La Fabrègue. La Fabrègue, c'est mon pays, c'est ma maison, et Sully, c'est mon prénom. Ah, mais comme ça, alors oui, qui me dit comme ça, oui. Puis c'est devenu, on est presque amis. Ah bon, mais ça va alors. Oui. Pourquoi vous avez dit l'autre il est à l'écurie? Qu'est-ce que vous vouliez dire l'autre il est à l'écurie? Quand on dit l'autre, c'est le cochon. Ah, je savais pas. En patois, l'autre. L'autre. L'autre, c'est le cochon. Ah ouais, on dit ça pour le cochon. Il ne faut pas les manquer parce que. Eh ouais. Ils ne manquent pas. Hein eh ouais. Ouais. Oui, je ne vous ai pas demandé en quelle année vous êtes né. En quelle année je suis né? Oui. 1910. Ici à la Fabrègue. 86 ans finis, jamais 87. Ouf. Ici, oui, à la Fabrègue. Là, en bas là. Ça y est, ah oui, vous êtes en France, ça. Ah oui. Et vous avez fait quoi comme métier? Vous avez donc été sculpteur sur bois, c'est ça? J'ai fait un peu tout, moi. J'étais menuisier ébéniste. D'ailleurs, je suis rentré à Mende dans l'école pratique pour la menuiserie et ébénisterie. Et puis mon chef, voyant que j'étais doué pour la sculpture, m'a fait rentrer dans une école de sculpture à Paris. Je suis rentré dans une école de sculpture et je suis sorti sculpteur. Et j'ai travaillé comme sculpteur pendant 2 ou 3 ans. Après, ça a été le chômage. Et alors, je suis venu ici. Je me suis dit, ça va se passer. J'écrivais à des maisons, tout ça. Mais c'était le chômage. C'est le moderne qui nous avait tués. Oui, oui, oui. Le moderne, d'ailleurs, c'est pas style, ça. Non, non. C'est la sculpture de la canaque qu'on appelle à coup de poing, ça. Et alors, voyant que ça venait pas, j'ai fait une demande à la sécurité sociale. Ils m'ont demandé mes diplômes, mes examens, tout ça, que je fournis. Et puis, quand il y avait le directeur et le sous-directeur qui étaient là, quand j'ai été convoqué, il dit à l'autre, qu'est-ce que t'en dis? Oh, il peut venir demain. Hein. Moi, il dit, si vous voulez, vous rentrez demain. Alors, je suis rentré sans examen. Sans examen. Qu'est-ce que tu dis? On ira le voir tout à l'heure, peut-être. Oui, oui. On va parler, oui. Parce que j'ai braché maintenant. Oui, oui. On ira. Je vous remercie. Et alors, je suis rentré le lendemain. Ah oui. Mais... Et à la sécurité sociale, ou ça, alors Et vous avez travaillé, vous habitiez où à ce moment-là? À Paris. Oui. J'étais à Paris, exactement, à Aubervilliers, enfin, oui, à la porte d'Aubervilliers. À la porte d'Aubervilliers, chez ma tante. Moi, j'avais ma chambre au quatrième. Ce qui fait que vous avez habité ici jusqu'à quelle époque? Alors, la première fois que vous êtes parti, c'est... Ici? Oui. Ah, ben, je suis parti à Mende. Je suis parti à Mende, j'avais 18 ans. Oui, voilà, oui. Attendez, 18, 19, oui. J'ai fait 3 ans d'école à Mende, l'école pratique, oui, j'avais 18 ans. Après, je suis parti à Paris, dans la maison de sculpture. D'accord. Et après, j'ai fait l'école Boulle et les Beaux-Arts. Vous avez fait l'école Boulle aussi. Oui. Ah, ouais. C'est plus que les Beaux-Arts, l'école Boulle. Je sais, oui. L'école Boulle, il n'y en a qu'une en France. Oui, ouais, j'ai fait l'école Boulle. Ah, c'est pas beau. Il y en a qui disent, t'as fait l'école Boulle. Et donc bah, oui. Oh, oui. Les Beaux-Arts, mais les Beaux-Arts, c'est pas comme l'école Boulle. C'est mieux l'école Boulle que les Beaux-Arts. Hein. Les Beaux-Arts, il y a un peu souvent des fanfarons, des forloqués, ouais, des... Ouais. C'est... Oui, tandis que les colobules, on ne vous garde pas si vous... Ah ouais. Et vous êtes revenu à quel âge alors après? Vous êtes pour la retraite, vous êtes revenu ici ou... Alors, je suis rentré à la Sécurité sociale et puis je suis parti à la retraite en 70. Ah ouais. Avec 30... 32 ou 33 ans de maison de sécurité sociale. Ouf. Ouais. Alors ouais. Mais quand j'étais sculpteur, quand j'étais... Ah, ça, c'est... Vous savez que j'ai quitté mon métier, j'en ai pleuré. Hein. Bah, je m'en doute, oui. Ah oui. Et puis, vous savez, ça m'est pénible de le dire. J'aimais mon métier. Hein. Parce que il ne s'agit pas de faire la sculpture, mais vous aviez des journées où vous passiez... Une journée entière à une table de dessin, avec des tabourets comme ça, sur des grandes tables, à crayonner au fusain. Hein. Et le patron, par exemple, il venait et disait, tiens, viens un peu voir ici, toi, on était une trentaine de sculpteurs, 30 sculpteurs. Et alors, il disait, j'ai un gars comme ça, il voudrait ça, ça, tu vois. Bon, alors, à peu près de cette grandeur, enfin, bon, on soumettait le truc, puis il venait le voir, le patron, il lui dit, oui. Enfin, évidemment, il trouvait bien des têtes, tu vois, tout ça, tu devrais... Oui, bon... Mais des journées entières, des tables de dessin, hein. Et puis quand on travaillait, alors... C'est... Mais alors, c'est bizarre ce que je veux vous dire. Vous n'allez pas le croire. Hein. Deux sculpteurs à main égale, moi et vous. Ouais. Moi, je sais chanter, vous ne chantez pas. Moi, je suis embauché de préférence au même tarif. Ah oui. Ouais. Mais vous rentrez dans une maison de sculpture, dans un atelier de sculpture, il y avait toujours quelqu'un qui chantait. C'est, je vous dis ça parce que peut-être vous ne le savez pas tout non, ça. Non, je ne le savais pas. Et alors, et évidemment, c'est intéressant. On préfère prendre quelqu'un qui chantait. C'est intéressant de l'apprendre. Ah oui, oui. Des fois, d'ailleurs, au début, c'était deux patrons. Moi, je l'ai à peine connu l'autre. C'était Corrèze et la Corne. Mais la Corne, il est mort après. Moi, je l'ai à peine connu. Mais Corrèze, je l'ai bien connu. Et quand il arrivait de faire des tournées, enfin de voir des boulots, des trucs qu'on lui demandait, si personne chantait, il disait « Qu'est-ce que c'est ça? C'est mort là-dedans hein? Dis donc, le père machin, là, tout nous a chanté, tout ça. » Il y en avait, on l'appelait le père à la roscaille. Ah, ouais. Et quand il chantait le barbier de Séville, ah, ouais. C'était un immeuble industriel. Il y avait des machines des deux côtés de la cour, il y avait une grande cour. Alors, les gens ouvraient les fenêtres. Il fallait ouvrir les fenêtres et il arrivait à fendre dans les carreaux. Oula. Pas à fendre dans les carreaux, mais presque. Hein. Oh. Il avait une de ses voix, c'est pas possible. Oh, il y avait des chanteurs. Il y avait Etienne, il y avait... Oh. Et vous êtes chanteur aussi? Un peu, mais pas beaucoup. Mais à ce moment-là, ça se perdait déjà. Ça se perdait. Je vous parle avant moi. Est-ce que vous savez justement, est-ce que vous sauriez quelques chansons en patois qui se chantaient ici? Est-ce que vous connaissez les... Oh, je ne me rappelle plus du patron, pas toi. Non, on s'interne pas toi ici. Oui, mais bon, il faudrait que je réfléchisse à ça, parce que. Ah oui, c'était la montagne, je sais que je le regrettais. Ah oui. Et alors, dites-vous, quand je me suis présenté à ce patron, il ne voulait pas me prendre avec mes doigts comme ça. Mais il m'a dit, mais tu peux travailler comme ça. Je dis, bien sûr. Alors, à ce moment-là, j'avais 20. C'était en 1900. J'avais 22 ans. 20, oui, 22 ans. Mais bien sûr, j'ai dit au travail aussi. Et alors, il se trouvait là un gars qui venait travailler de temps en temps chez lui, qui était professeur à l'école Boulle, et que je connaissais bien. Il se tourna et il dit, oui, tu peux le prendre, tu sais, je le connais. Il travaille. Il sait se servir de ses doigts. Il dit, bon, elle me dit, tu viens demain. Et j'étais embauché. C'était en 30, 32. 32, 33, 32. J'étais embauché à 7 francs de l'heure. À ce moment-là, ancien franc. Vous savez que ça faisait. Alors un jour, moi je voyais bien le contremaître qui était passé derrière moi, puis le patron il est passé derrière moi. Il m'avait donné un cadre ovale avec des roses, avec des retombées de feuilles. Comme ça. Alors. Ils sont passés derrière moi, ils ne m'ont rien dit, mais je voyais rien qui passait derrière moi. Ça va? Ils m'ont dit, oui, ça va. Bon, alors, le lendemain, le surlendemain, le contremaître me dit, tiens, il y a le patron qui te demande. Alors, c'était une cage en verre au milieu de l'atelier, là, et c'était son bureau. Assieds-toi, il me dit. Je m'assieds, je m'effondre dans un fauteuil, il y avait le bureau à. À peu près. Hein? Sur le nez, oui. Oui, et alors elle me dit, voilà. Je me suis rendu compte de ton boulot, le contremaître aussi. Mais je me demandais qu'est-ce qu'il m'a voulu. Hein? Comment j'étais comme ça, je disais, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le contremaître aussi, il me dit, c'est fini, mais c'est fini à la perfection. Ça fait redresser. Et. Ah, ça. J'étais content. Hein, il m'a dit, voilà, si tu veux, je te propose quelque chose. J'ai dit, laquelle? Et bien, il m'a dit, voilà, je te mets comme finisseur. Les autres, ils ébaucheront, toi, tu finis. Tu me sors bien les copeaux, tout, c'est impeccable. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que ça va me rapporter, ça? J'ai dit, écoutez, je réfléchirai. Je vous dirai ça. Oui, mais c'est pas pressé. Il me dit, tu auras. À ce moment-là, c'était 50 centimes. 50 centimes de mieux. Donc, j'étais 7,50 francs après. Mais c'était ma première paye que je gagnais. J'étais fier. Ouais, pas. Et il n'y en avait pas beaucoup sur la place de Paris qui gagnaient cette somme-là. Hein. Ah oui, oh, je regrettais. Oh là là. Ah, ouais. C'est un sculpteur à ce moment-là qui avait du boulot. Il pouvait travailler 6 mois et aller passer 6 mois sur la Côte d'Azur. Hein. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. 7 francs de l'heure, c'était 7 francs 50, c'était joli à l'époque. En 32 ou 33, 7 francs de l'heure. C'était joli. Ça fait. Je ne sais pas combien ça fait 2 fois aujourd'hui, ça. On revient au Cévennes. Putain, j'ai été dans l'asthme, moi. Ah ouais. Je m'excuse aussi. Allez-y, allez-y. Voilà. Oui. Bon, alors on le fera tout. Je voulais vous poser deux, trois questions avant Ouais. sur la vie d'autrefois ici. Ici, des veillées, il y en avait beaucoup de veillées ici. Ah, il y avait, vous voulez dire, les veillées d'enceinte. Oui, Les par veillées exemple. d'enceinte, il y en avait, oui, en bas, c'est une ruine maintenant, mais il y avait des veillées de temps en temps. Là, il y avait une grande cuisine, c'était grande. Alors, ils faisaient des veillées, et tous les jeunes, on se réunissait là. Mais les veillées, vous en aviez tous les jours. Ici, on était 5 ou 6 maisons là, 4, oui, 5 ou 6. Et alors, on disait, aujourd'hui, on va veiller chez qui? Oh, ben, on va veiller chez Justine, ou alors on va veiller chez Marceau, ou alors on va veiller chez. Et puis, alors, tout le temps, ils venaient. On se voyait tous les jours. Ah ouais. Tous les jours, il y avait, ou soit que les voisins venaient ici, les uns après les autres, évidemment, mais ou qu'on allait chez eux. Mmh. Ah, ouais. Alors le café, un coup de pinard de Clinton, là. Plus qu'aujourd'hui, parce que... Eh oui, maintenant. À ce moment-là, on voyait beaucoup de gens. Alors, ils voyaient, parce que moi, je ne voyais pas. Et autrement, là, ici, depuis qu'on est ici, combien on a... On a combien de gens qui sont venus nous voir? Pas beaucoup. Il y a eu Jeanne. Quoi? Qui a... Oui.